Chapitre 4e. Où l'étoile reparaît. Gaston était d'une imagination facile à griser par les apparences. L'ivresse chez lui faisait rapidement place à une autre ivresse. Le lendemain, lorsqu'il se réveilla, il envisagea son aventure de la nuit sous une autre face. Il saisit la bourse qu'il avait mise sous son chevet et l'ouvrit. Elle contenait 22 louis. Évidemment, la femme irait au rendez-vous. Mais quelle était cette femme ? Le souvenir de la belle blonde au coupé bleu se dressa devant lui, et le domino blanc, si séduisant il y a quelques heures, lui parut une intrigante vulgaire. « Je n'irai pas, » se dit-il. Mais le gage qu'il tenait, il n'était pas à lui, il fallait le rendre. Lorsqu'il le tenait dans ses mains, il lui brûlait les yeux. Il s'ingéniait à trouver un moyen de restituer la bourse sans aller au rendez-vous. Narsac entra. « Et l'aventure ?» s'écria le journaliste. « Pas drôle du tout, elle m'a donné un rendez-vous. »« Voilà pourtant qui va bien. »« Non, je n'irai pas. »« Tu crains qu'elle ne s'y trouve pas. »« Elle y sera, en voici la preuve. » Et il montra la bourse. « Mais je suis dégrisé, je ne veux plus continuer l'aventure. »« En vérité, mon cher, tu es un singulier garçon. »« Que de gens voudraient être à ta place. » »« Et, sans aller plus loin, ton ami Narsac. » »« Rien de plus simple, tu prendras le gage. » Le journaliste ne discernait pas grand-chose dans cette façon d'agir. « Que dira-t-elle en me voyant ?»« Que ce n'est pas l'amoureux de son domino blanc. »« Ah, mon cher, elle est bien bonne. Donne-moi la bourse. »« Mardi, un quart d'heure avant le rendez-vous, je te la remettrai. »« Ta confiance m'honore. »« Cet argent est sacré. »« Combien y a-t-il ? » ?»« 22 louis. »« Je comprends. » Le mardi, à 3 heures, Narsac dressé, pomponné, parfumé, entrait chez le poète. Gaston pensait beaucoup plus à sa blonde du bois qu'au masque du bal. « Tu n'as pas changé d'avis. »« Certes, non. Je ne t'accompagnerai même pas. Surtout, n'oublie pas le principal, » ajouta-t-il en riant. « Dieu m'en garde, » répliqua le journaliste, en soupesant les mailles de soie qui contenaient l'or. « Je ferai bien de te retenir encore un peu. Il ne te faut pas une heure pour aller où l'on m'attend. » « Sais-tu que pour un poète méfiant ?»« Point du tout, mais l'occasion, l'herbe tendre et la chair est si faible. » « Allons, l'intrigue est charmante, mais là, bonne fin. Je t'attendrai ce soir, si toutefois la belle ne t'a pas enlevé sur son hippogriffe. »« Tu m'as tout dit, excepté l'endroit où sera la belle. »« Aux Tuileries, vis-à-vis la statue de Diane. » Le journaliste n'en attendit pas davantage et partit. Lorsqu'il fut au lieu indiqué, il se trouva fort embarrassé. Il avait bien un gage pour être reconnu, mais comment lui reconnaîtrait-il une femme qu'il n'avait vue que déguisée ? Le temps était beau et les promeneurs nombreux. Il prit entre ses mains la bourse, la tint ostensiblement et attendit aux alentours de la statue. À l'heure dite, une jeune femme voilée, élégamment vêtue, s'approcha de lui. Elle regarda la bourse. « Monsieur de Narsac, dit-elle, votre ami, monsieur d'Erfurt, n'est pas fort galant pour un poète. Où donc est sa belle ardeur d'hier ?»« Mon Dieu, madame, excusez-le, balbutia Narsac, mal à son aise. » « Si je l'excuse ?»« Parfaitement. Un domino cache tant de choses. Demandez-lui donc s'il a oublié sa rencontre du mois de décembre, au bois de Boulogne. » L'inconnu s'éloigna en souriant ironiquement comme une femme désappointée. Elle sortit du jardin et monta dans sa voiture. Le journaliste la suivait à distance. « Chez madame de Naïbourg, » fit-elle à son cocher. « Probablement le domino violet de l'autre jour, » pensa le journaliste qui avait tout entendu. Il courut immédiatement chez son ami. J'ai fait un pas de clair, s'écria-t-il en entrant. Ah, Gaston, qu'as-tu fait? C'était toi qu'on attendait. Je le sais bien que c'était moi, mais à défaut d'autres. On sait ton nom. Jusque-là, rien de drôle. Je l'avais dit au domino violet, mais on m'a dit. Enfin, que t'a-t-on dit? Rien de particulier. La belle a paru froissée? Vivement. Iras-tu chez elle la consoler? Je le voudrais. « Sais-tu où elle demeure ?»« Pas précisément, mais je le saurai. Et si j'ai ses faveurs, c'est bien le dépit qui me les fera gagner, car cette femme te connaît. »« Comme la Pierrette que nous avons vue au bal, peut-être mieux. » Elle m'a dit de te demander si tu te rappelais une certaine rencontre au mois de décembre au bois de Boulogne. » Gaston changea de couleur. « Tu dis ?»« Je répète ce que ces jolies lèvres roses m'ont appris. »« Mon ami, je t'en conjure, si tu sais quelque chose, ne te joue pas de moi. » « Depuis bientôt 2 mois, je suis amoureux fou d'une femme que je n'ai fait qu'entreboire au bois et au pied de laquelle je serais bien tombé à genoux. Elle avait un chapeau bleu ciel et une robe de velours. » Au bal, elle était en domino blanc, interrompit Narsac, et tout à l'heure, à ma foi, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est la même à qui j'ai remis la bourse. Fatalité. Perdue, mais perdue par ma faute, car elle veut me voir, puisqu'elle m'a cherché. Narsac, viens, quel chemin a-t-elle pris? Sais-tu que ta passion m'effraie? Cependant, si tu veux être plus sage et suivre mes conseils, nous la retrouverons. En quittant le rendez-vous, elle est allée chez madame de Neuburg, une femme qui reçoit beaucoup, et chez laquelle j'ai mes petites entrées. Si tu veux être raisonnable, je vais de ce pas lui faire une visite. Peut-être ta blonde y sera-t-elle encore, en tout cas je saurai qui elle est. L'amoureux et son compère furent bientôt rue de Helder. Gaston attendit son ami au café riche. 20 minutes après, Narsac le rejoignait. Plus de chance que de bien jouer. Tu reverras ta blonde, tu lui parleras, tu seras son... ce que tu voudras. Son nom? Tiens, voici une de ces cartes que m'a remise madame de Neuburg. Le petit nom n'y est pas, mais je pourrais te le dire. Gaston lut. La duchesse de Bussiardin. Et le petit nom? Demanda avec fièvre le poète. Adrienne.